blind stares of a million pairs of eyes, looking hard but won't realize that they will never see the pea. 100% heureux, c'est impossible. Oui. On n'est pas fait pour ça. Mais heureux, ouais. Complètement fou. Vendait de la drogue sous du tout pas, mental de fou, j'ai pas le trac. La vague, nous pensons se laisser. On vend du seum, t'étais pas prêt. Nous on est pro, on est réglo. Tous les dimanches, la scole m'aiglit. J'arrive dans le rap comme un migrant, je pousse migrer comme un tout gay. C'était la merde, c'était sa femme. Maintenant la mort, il veut sa femme. Gros, c'est fini, entre mal commis, faire des délits sur sa ruche. À Paris, moi, et pas rouge. J'prends Paris, que t'es un pipo. Peut composer devant Bendero, je vends ma gueule parce la pilule. Ma pote pas trop, j'suis une trappe, j'suis mon pilon. J'la gapé con, j'rêve de pas payer zéro piston. J'crois que t'as capté, j'coupais du chien. Et que de la coupe dans ma coco. Toutes les maisons veulent me signer, toutes les maisons veulent s'endetter. Le talent par le travail fait. J'arrive pas même pas fait dans le rap. Juste ces bouffons qui font de la trappe. Pour inconnus qui partent de la rue. Ils sont pas rusés, sont fait baiser. Moi j'suis un barjo comme Bendero. Et comme lui j'ai ma luna. Des problèmes et de la rage là. Tu m'as vu vers en buto. J'étais marouge avec un rose bon. Porte ta culotte, le kilo paye. Après de soin les gros jeux du pain. Avec la farine j'te fais du blé. Humblement j'compte tout péter. Quand qu'elle veut monter au sommet. Pas sommairement pour très longtemps. J'ai pas sommet, j'compte faire du zé. C'est bien la scole dans tes oreilles. Sur mon oreiller j'ai ma plaquette. Mon pèse ramé ta zipette. Moi c'est pas plus pauvre. Pas j'ai déjà chargé le feu pont. J'ai jamais pompé pour des ronds. On revient donc. C'est que le début du nouvel acte. Je suis actif, regarde mes actes. Mais les jaloux aiment jacquer car je leur ai mis un code miché. Malement, je manie l'instru et comme Mani, je manie les armes. J'ai désarmé ta femme, je l'ai tiré, elle t'a quitté. T'es pas content, vas-y, content. Au bout de quoi, là, t'as des crocs. J'ai mon pédo à la main, j'aime rigoler. Elle fait le malin. Pour la suite, bro, je suis curieux. J'espère juste faire des euros et des euros. Le passé, c'est mal passé, mais le passé, c'est le passé. Passons au deuxième acte, c'était la squash, on dit tout quoi. C'était la squash.